Selon les médias de Séoul, en Corée du Sud, le Conseil de mesures pour le problème des volontaires et la Fondation de mémoire juste pour la solution du problème d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise ont rendu public le 17 une déclaration pour réclamer l'arrêt de l'application de l'accord humiliant destiné à couvrir le problème d'esclavage sexuel.